Allô Louise ? Je te téléphone pour te demander un conseil. Le fils de mes voisins a battu ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu embarrassée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Mais tu pourrais aller voir les parents, non ? Tu ne penses pas que je devrais leur écrire un mot ? Mais tu ferais mieux de leur parler directement. Ce sera moins difficile, à mon avis.